Nathan, Giuliano, Diabolique, mec. Ouais. C'est Nathan le casse-dent avec le M. Diabolique qui fait pas du son acoustique, élastique, statique. Avec son rire satanique, c'est du son maléfique. Ouais. Giuliano le brise d'eau avec le J magnifique. Faut pas que tu critiques si tu veux pas qu'on te nique. Sinon je prends mon peu pompe et ça va pas le faire. Après faudra pas te plaindre à ta mère. Ouais. Viens nous écouter, notre son c'est la vérité. Ouais. Diabolique intro 2009 mais.